Hugues Jargal de Victor Hugo. Ceci est une lecture de Christophe pour audiocité.net. Chapitre 17. Le jour commençait à poindre. J'étais sur la place d'armes, réveillant les miliciens couchés sur leurs manteaux, pêle-mêle avec les dragons jaunes et rouges, les fuyards de la plaine, les bestiaux bêlants et mugissants, et les bagages de tout genre apportés dans la ville par les planteurs des environs. Je commençais à retrouver ma petite troupe dans ce désordre, quand je vis un dragon jaune, couvert de sueur et de poussière, accourir vers moi à toute bride. J'allais à sa rencontre et, au peu de paroles entrecoupées qui lui échappèrent, j'appris avec consternation que mes craintes s'étaient réalisées, que la révolte avait gagné les plaines de la Cule et que les Noirs assiégeaient le fort Galifet où s'étaient enfermés les milices et les colons. Il faut vous dire que ce fort Galifet était fort peu de chose. On appelait fort à Saint-Domingue tout ouvrage en terre. Il n'y avait donc pas un moment à perdre. Je fis prendre des chevaux à ceux de mes soldats pour qui je pus en trouver, et, guidé par le dragon, j'arrivai sur les domaines de mon oncle vers 10 heures du matin. Je donnai à peine un regard à ces immenses plantations qui n'étaient plus qu'une mer de flammes, bondissant sur la plaine avec de grosses vagues de fumée, à travers lesquelles le vent emportait de temps en temps, comme des étincelles, de grands troncs d'arbres hérissés de feu. Un pétillement effrayant, mêlé de craquements et de murmures, semblait répondre aux hurlements lointains des Noirs, que nous entendions déjà sans les voir encore. Moi, je n'avais qu'une pensée, et l'évanouissement de tant de richesses qui m'étaient réservées ne pouvait m'en distraire. C'était le salut de Marie. Marie sauvée, que m'importait le reste? Je la savais renfermée dans le fort, et je ne demandais à Dieu que d'arriver à temps. Cette espérance seule me soutenait dans mes angoisses et me donnait un courage et des forces de lion. Enfin, en tournant de la route, nous laissa voir le fort Galifet. Le drapeau, tricolore, flottait encore sur la plateforme et un feu bien nourri couronnait le contour de ses murs. Je poussai un cri de joie. « Au galop, piquez des deux, lâchez les brides » criai-je à mes camarades. Et, redoublant de vitesse, nous nous dirigeâmes vers le fort, au bas duquel on apercevait la maison de mon oncle, portes et fenêtres brisées, mais debout encore, et rouge des reflets de l'embrasement qui ne l'avait pas atteinte, parce que le vent soufflait de la mer et qu'elle est isolée des plantations. Une multitude de nègres, embusqués dans cette maison, se montraient à la fois à toutes les croisées et jusque sur le toit. Et les torches, les piques, les haches brillaient au milieu de coups de fusil qu'ils ne cessaient de tirer contre le fort, tandis qu'une autre foule de leurs camarades montait, tombait et remontait sans cesse autour des murs assiégés qu'ils avaient chargés d'échelles. Ce flot de noir, toujours repoussé et toujours renaissant sur ces murailles grises, ressemblait de loin à un essaim de fourmis essayant de gravir l'écaille d'une grande tortue et dont le lent animal se débarrassait par une secousse d'intervalle en intervalle. Nous touchions enfin aux premières circonvallations du fort. Les regards fixés sur le drapeau qui le dominait, j'encourageais mes soldats, au nom de leur famille, renfermés comme la mienne dans ces murs que nous allions secourir. Une acclamation générale me répondit, et, formant mon petit escadron en colonne, je me préparai à donner le signal de charger le troupeau assiégeant. À ce moment, un grand cri s'éleva de l'enceinte du fort. Un tourbillon de fumée enveloppa l'édifice tout entier, roula quelque temps, ses plis autour des murs, d'où s'échappait une rumeur, pareille au bruit d'une fournaise, et, en s'éclaircissant, nous laissa voir le fort Galifet surmonté d'un drapeau rouge. Tout était fini. Chapitre 18. Je ne vous dirai pas ce qui se passa en moi à cet horrible spectacle. Le fort pris, ses défenseurs égorgés, 20 familles massacrées, tout ce désastre général, je l'avouerai à ma honte, ne m'occupa pas un instant. Marie perdue pour moi peu d'heures après celle qui me l'avait donnée pour jamais, perdue pour moi par ma faute, puisque si je ne l'avais pas quittée la nuit précédente pour courir au cap sur l'ordre de mon oncle, j'aurais pu du moins la défendre ou mourir près d'elle et avec elle, ce qui n'eût en quelque sorte pas été la perdre. Ces pensées de désolation égarèrent ma douleur jusqu'à la folie. Mon désespoir était du remords. Cependant, mes compagnons, exaspérés, avaient crié « Vengeance !» Nous nous étions précipités le sabre aux dents, les pistolets aux deux poings, au milieu des insurgés vainqueurs. Quoique bien supérieurs en nombre, les Noirs fuyaient à notre approche, mais nous les voyions distinctement à droite et à gauche, devant et derrière nous, massacrant les Blancs et se hâtant d'incendier le fort. Notre fureur s'accroissait de leur lâcheté. À une poterne du fort, Thaddée, couvert de blessures, se présenta devant moi. « Mon capitaine, me dit-il, votre Pierrot est un sorcier, un hobby, comme vous disent ces damnés nègres, ou au moins un diable. Nous tenions bon, vous arriviez, et tout était sauvé. Quand il a pénétré dans le fort, je ne sais par où, et voyez. Quant à monsieur votre oncle, à sa famille, à madame, Marie, interrompis-je, où est Marie ? En ce moment, un grand noir sortit de derrière une palissade enflammée, emportant une jeune femme qui criait et se débattait dans ses bras. La jeune femme était Marie, le noir était Pierrot. « Perfide ! » lui criai-je. Je dirigeai un pistolet vers lui. Un des esclaves révoltés se jeta au-devant de la balle et tomba mort. Pierrot se retourna et parut m'adresser quelques paroles. Puis il s'enfonça avec sa proie au milieu des touffes de canne embrasées. Un instant après, un chien énorme passa à sa suite, tenant dans sa gueule un berceau dans lequel était le dernier enfant de mon oncle. Je reconnus aussi le chien, c'était Rasque. Transporté de rage, je déchargeai sur lui mon pistolet, mais je le manquai. Je me mis à courir comme un insensé sur sa trace, mais ma double course nocturne, tant d'heures passées, sans prendre de repos et de nourriture, mes craintes pour Marie, le passage subi du comble du bonheur au dernier terme du malheur, toutes ces violentes émotions de l'âme m'avaient épuisé plus encore que les fatigues du corps. Après quelques pas, je chancelai, un nuage se répandit sur mes yeux et je tombai évanoui. Chapitre 19. Quand je me réveillai, j'étais dans la maison dévastée de mon oncle et dans les bras de Thaddée. Cet excellent Thaddée fixait sur moi des yeux pleins d'anxiété. « Victoire ! » cria-t-il dès qu'il sentit mon pouls se ranimer sous sa main. « Victoire ! Les nègres sont en déroute et le capitaine est ressuscité !» J'interrompis son cri de joie par mon éternelle question. « Où est Marie ?» Je n'avais point encore rallié mes idées. Il ne me restait que le sentiment et non le souvenir de mon malheur. Thaddée baissa la tête. Alors toute ma mémoire me revint. Je me retraçai mon horrible nuit de noces, et le grand nègre, emportant Marie dans ses bras, à travers les flammes, s'offrit à moi comme une infernale vision. L'affreuse lumière qui venait d'éclater dans la colonie et de montrer à tous les Blancs des ennemis dans leurs esclaves, me fit voir dans ce Pierrot, si bon, si généreux, si dévoué, qui me devait 3 fois la vie, un ingrat, un monstre, un rival. L'enlèvement de ma femme, la nuit même de notre union, me prouvait ce que j'avais d'abord soupçonné, et je reconnus enfin clairement que le chanteur du pavillon n'était autre que l'exécrable ravisseur de Marie. Pour si peu d'heures, que de changements. Thaddée me dit qu'il avait vainement poursuivi Pierrot et son chien, que les nègres s'étaient retirés, quoique leur nombre eût pu facilement écraser ma faible troupe, et que l'incendie des propriétés de ma famille continuait sans qu'il fût possible de l'arrêter. Je lui demandais si l'on savait ce qu'était devenu mon oncle dans la chambre duquel on m'avait apporté. Il me prit la main en silence et, me conduisant vers l'alcôve, il en tira les rideaux. Mon malheureux oncle était là, gisant sur son lit ensanglanté, un poignard profondément enfoncé dans le cœur. Au calme de sa figure, on voyait qu'il avait été frappé dans le sommeil. La couche du nain à bras, qui dormait habituellement à ses pieds, était aussi tachée de sang, et les mêmes souillures se faisaient remarquer sur la veste chamarrée du pauvre fou, jetée à terre à quelques pas du lit. Je ne doutais pas que le bouffon ne fût mort victime de son attachement connu pour mon oncle, et n'eût été massacré par ses camarades, peut-être en défendant son maître. Je me reprochais amèrement ses préventions qui m'avaient fait porter de si faux jugements sur Abi Bras et sur Pierrot. Je mêlai aux larmes que m'arracha la fin prématurée de mon oncle quelques regrets pour son fou. D'après mes ordres, on rechercha son corps, mais en vain. Je supposai que les nègres avaient emporté et jeté le nain dans les flammes, et j'ordonnai que, dans le service funèbre de mon beau-père, des prières fussent dites pour le repos de l'âme du fidèle Abi Bras. Chapitre 20. Le fort Galifet était détruit, nos habitations avaient disparu. Un plus long séjour sur ces ruines était inutile et impossible. Dès le soir même, nous retournâmes au cap. Là, une fièvre ardente me saisit. L'effort que j'avais fait sur moi-même pour dompter mon désespoir était trop violent. Le ressort, trop tendu, se brisa. Je tombai dans le délire. Toutes mes espérances trompées, mon amour profané, mon amitié trahie, mon avenir perdu et par-dessus tout l'implacable jalousie égarèrent ma raison. Il me semblait que des flammes ruisselaient dans mes veines, ma tête se rompait, j'avais des furies dans le cœur. Je me représentais Marie au pouvoir d'un autre amant, au pouvoir d'un maître, d'un esclave, de Pierrot. On m'a dit qu'alors je m'élançais de mon lit et qu'il fallait 6 hommes pour m'empêcher de me fracasser le crâne sur l'angle des murs. Que ne suis-je mort alors? Cette crise passa. Les médecins, les soins de Thaddée, et je ne sais quelle force de la vie dans la jeunesse vainquirent le mal, ce mal qui aurait pu être un si grand bien. Je guéris au bout de 10 jours, et je ne m'en affligeais pas. Je fus content de pouvoir vivre encore quelque temps pour la vengeance. À peine convalescent, j'allais chez Monsieur de Blanchelande demander du service. Il voulait me donner un poste à défendre. Je le conjurai de m'incorporer comme volontaire dans l'une des colonnes mobiles que l'on envoyait de temps en temps contre les Noirs pour balayer le pays. On avait fortifié le cap à la hâte. L'insurrection faisait des progrès effrayants. Les nègres de Port-au-Prince commençait à s'agiter. Biassou commandait ceux du Limbé, du Dondon et de la Cule. Jean-François s'était fait proclamer généralissime des révoltés de la plaine de Maribaroux. Boukman, célèbre depuis par sa fin tragique, parcourait avec ses brigands les bords de la Limonade. Et enfin, les bandes du Morne Rouge avaient reconnu pour chef un nègre nommé Bugue Jargal. Le caractère de ce dernier, si l'on en croyait les relations, contrastait d'une manière singulière avec la férocité des autres. Tandis que Boukman et Biassou inventaient 1000 genres de morts pour les prisonniers qui tombaient entre leurs mains, Bugue Jargal s'empressait de leur fournir les moyens de quitter l'île. Les premiers contractaient des marchés avec les lanches espagnoles qui croisaient autour des côtes et leur vendaient d'avance les dépouilles des malheureux qu'ils forçaient à fuir. Bugjargal coula à fond plusieurs de ses corsaires. Monsieur Colas de Meynier et 8 autres colons distingués furent détachés par ses ordres de la roue où Boukman les avait fait lier. On citait de lui 1000 autres traits de générosité qu'il serait trop long de vous rapporter. Mon espoir de vengeance ne paraissait pas prêt de s'accomplir. Je n'entendais plus parler de Pierrot. Les rebelles commandés par Biassou continuaient d'inquiéter le cap. Ils avaient même une fois osé aborder le morne qui domine la ville et le canon de la citadelle avait eu de la peine à les repousser. Le gouverneur résolut de les refouler dans l'intérieur de l'île. Les milices de la Cule, du Limbé, d'Ouanaminthe et de Maribarou, réunis au régiment du Cap et aux redoutables compagnies jaunes et rouges, constituaient notre armée active. Les milices du Dondon et du quartier Dauphin, renforcées d'un corps de volontaires sous les ordres du négociant Ponsignon, formaient la garnison de la ville. Le gouverneur voulut d'abord se délivrer de Bugjargal, dont la diversion l'alarmait. Il envoya contre lui les milices d'Ouanaminthe et du bataillon de Cap. Ce corps rentra 2 jours après, complètement battu. Le gouverneur s'obstina à vouloir vaincre Bugjargal. Il fit repartir le même corps avec un renfort de 50 dragons jaunes et de 400 miliciens de Maribarou. Cette seconde armée fut encore plus maltraitée que la première. Thaddée, qui était de cette expédition, en conçut un violent dépit et me jura à son retour qu'il s'en vengerait sur Bugjargal. Une larme roula dans les yeux de Dauvernay. Il croisa les bras sur sa poitrine et parut quelques minutes plongé dans une rêverie douloureuse. Enfin, il reprit. Chapitre 21. La nouvelle arriva que Bugjargal avait quitté le Morne Rouge et dirigeait sa troupe par les montagnes pour se joindre à Biassou. Le gouverneur sauta de joie. « Nous les tenons !» dit-il en se frottant les mains. Le lendemain, l'armée coloniale était à 1 lieue en avant du Cap. Les insurgés, à notre approche, abandonnèrent précipitamment Port Margot et le Fort Galifet, où ils avaient établi un poste défendu par de grosses pièces d'artillerie de siège enlevées à des batteries de la côte. Toutes les bandes se replièrent vers les montagnes. Le gouverneur était triomphant. Nous poursuivîmes notre marche. Chacun de nous, en passant dans ces plaines arides et désolées, cherchait à saluer encore, d'un triste regard, le lieu où étaient ses champs, ses habitations, ses richesses. Souvent, il n'en pouvait reconnaître la place. Quelquefois, notre marche était arrêtée par des embrasements qui, des champs cultivés, s'étaient communiqués aux forêts et aux savanes. Dans ces climats, où la terre est encore vierge, où la végétation est surabondante, l'incendie d'une forêt est accompagné de phénomènes singuliers. On l'entend de loin, souvent même avant de le voir, sourdre et bruire avec le fracas d'une cataracte diluviale. Les troncs d'arbres qui éclatent, les branches qui pétillent, les racines qui craquent dans le sol, les grandes herbes qui frémissent, le bouillonnement des lacs et des marais enfermés dans la forêt, le sifflement de la flamme qui dévore l'air jette une rumeur qui tantôt s'apaise, tantôt redouble avec les progrès de l'embrasement. Parfois, on voit une verte lisière d'arbres encore intacte entourer longtemps le foyer flamboyant. Tout à coup, une langue de feu débouche par l'une des extrémités de cette fraîche ceinture. Un serpent de flamme bleuâtre court rapidement le long des tiges et en un clin d'œil, le front de la forêt disparaît sous un voile d'or mouvant. Tout brûle à la fois. Alors, un dais de fumée s'abaisse de temps à autre sous le souffle du vent et enveloppe les flammes. Il se roule et se déroule, s'élève et s'affaisse, se dissipe et s'épaissit, devient tout à coup noir, puis une sorte de frange de feu en découpe vivement tous les bords, un grand bruit se fait entendre, la frange s'efface, la fumée remonte et verse en s'envolant un flot de cendres rouges qui pleut longtemps sur la terre. Chapitre 22. Le soir du troisième jour, nous entrâmes dans les gorges de la grande rivière. On estimait que les Noirs étaient à 20 lieues dans la montagne. Nous assîmes notre camp sur un mornay qui paraissait leur avoir servi au même usage à la manière dont il était dépouillé. Cette position n'était pas heureuse. Il est vrai que nous étions tranquilles. Le mornay était dominé de tous côtés par des rochers à pic, couverts d'épaisses forêts. L'aspérité de ces escarpements avait fait donner à ce lieu le nom de « Dompte mulâtre ». La grande rivière coulait derrière le camp. Resserrée entre deux côtes, elle était dans cet endroit étroite et profonde. Ses bords, brusquement inclinés, se hérissaient de touffes de buissons impénétrables à la vue. Souvent même, ses eaux étaient cachées par des guirlandes de lianes qui, s'accrochant aux branches des érables à fleurs rouges semées parmi les buissons, mariaient leurs jets d'une rive à l'autre et, se croisant de mille manières, formaient sur le fleuve de larges tentes de verdure. L'œil qui les contemplait du haut des roches voisines croyait voir des prairies humides encore de rosée. Un bruit sourd, ou quelquefois une sarcelle sauvage, perçant tout à coup ce rideau fleuri, décelait seul le cours de la rivière. Le soleil cessa bientôt de dorer la cime aiguë des monts lointains du Dondon. Peu à peu l'ombre s'étendit sur le camp, et le silence ne fut plus troublé que par les cris de la grue et les pas mesurés des sentinelles. Tout à coup, les redoutables chants d'Ouanassé et du camp du Grand Pré se firent entendre sur nos têtes. Les palmiers, les acomas et les cèdres qui couronnaient les rocs s'embrasèrent, et les clartés livides de l'incendie nous montrèrent sur les sommets voisins de nombreuses bandes de nègres et de mulâtres dont le teint cuivré paraissait rouge à la lueur des flammes. C'étaient ceux de Biassou. Le danger était imminent. Les chefs, s'éveillant en sursaut, coururent rassembler leurs soldats. Le tambour battit la générale, la trompette sonna l'alarme. Nos lignes se formèrent en tumulte, et les révoltés, au lieu de profiter du désordre où nous étions, immobiles, nous regardaient en chantant Ouanassé. Un Noir gigantesque parut seul sur le plus élevé des pics secondaires qui encaissent la grande rivière. Une plume, couleur de feu, flottait sur son front. Une hache était dans sa main droite, un drapeau rouge dans sa main gauche. Je reconnus Pierrot. Si une carabine se fût trouvée à ma portée, la rage m'aurait peut-être fait commettre une lâcheté. Le Noir répéta le refrain d'Ouanassé, planta son drapeau sur le pic, lança sa hache au milieu de nous et s'engloutit dans les flots du fleuve. Un regret s'éleva en moi, car je crus qu'il ne mourrait plus de ma main. Alors, les Noirs commencèrent à rouler sur nos colonnes d'énormes quartiers de rochers. Une grêle de balles et de flèches tomba sur le mornay. Nos soldats, furieux de ne pouvoir atteindre les assaillants, expiraient en désespéré, écrasés par les rochers, criblés de balles ou percés de flèches. Une horrible confusion régnait dans l'armée. Soudain, un bruit affreux parut sortir du milieu de la grande rivière. Une scène extraordinaire s'y passait. Les dragons jaunes, extrêmement maltraités par les masses que les rebelles poussaient du haut des montagnes, avaient conçu l'idée de se réfugier pour y échapper sous les voûtes flexibles de lianes dont le fleuve était couvert. Thaddée avait le premier mis en avant ce moyen, d'ailleurs ingénieux. Ici, le narrateur fut soudainement interrompu. Chapitre 23. Il y avait plus d'un quart d'heure que le sergent Thaddée, le bras droit en écharpe, s'était glissé sans être vu de personne, dans un coin de la tente, où ses gestes avaient seuls exprimé la part qu'il prenait au récit de son capitaine, jusqu'à ce moment où, ne croyant pas que le respect lui permît de laisser passer un éloge aussi direct sans en remercier d'Auvernay, il se prit à balbutier d'un ton confus. « Vous êtes bien bon, mon capitaine !» Un éclat de rire général s'éleva. d'Auvernet se retourna et lui cria d'un ton sévère. « Comment, vous ici, Thaddée, et votre bras ?» À ce langage si nouveau pour lui, les traits du vieux soldat se rembrunirent. Il chancela et leva la tête en arrière comme pour arrêter les larmes qui roulaient dans ses yeux. « Je ne croyais pas, » dit-il enfin à voix basse, « je n'aurais jamais cru que mon capitaine pût manquer à son vieux sergent jusqu'à lui dire vous. » Le capitaine se leva précipitamment. « Pardonne, mon vieil ami, pardonne, je ne sais ce que j'ai dit. Tiens, Thad, me pardonnes-tu ?» Les larmes jaillirent des yeux du sergent malgré lui. « Voilà la troisième fois, » balbutia-t-il, « mais celles-ci sont de joie. » La paix était faite, un court silence s'ensuivit. « Mais dis-moi, Thad, » demanda le capitaine doucement, « pourquoi as-tu quitté l'ambulance pour venir ici ?»« C'est que, avec votre permission, j'étais venu pour vous demander, mon capitaine, s'il faudrait faire mettre demain la housse galonnée à votre cheval de bataille. » Henri se mit à rire. « Vous auriez mieux fait, Thaddée, de demander au chirurgien-major s'il faudrait mettre demain 2 onces de charpie sur votre bras malade. Ou de vous informer, reprit Paschal, si vous pourriez boire un peu de vin pour vous rafraîchir. En attendant, voici de l'eau de vie qui ne peut que vous faire du bien. Goûtez-en, mon brave sergent. » Thaddée s'avança, fit un salut respectueux, s'excusa de prendre le verre de la main gauche et les vida à la santé de la compagnie. Il s'anima. « Vous en étiez, mon capitaine, au moment où... Eh bien oui, ce fut moi qui proposai d'entrer sous les lianes pour empêcher des chrétiens d'être tués par les pierres. Notre officier qui... ne sachant pas nager, craignait de se noyer, et cela était bien naturel, s'y opposait de toutes ses forces, jusqu'à ce qu'il vît, avec votre permission, messieurs, un gros caillou qui manqua de l'écraser, tomber sur la rivière, sans pouvoir s'y enfoncer à cause des herbes. Il vaut mieux encore, dit-il alors, mourir comme Pharaon d'Égypte que comme Saint-Étienne. Nous ne sommes pas des saints. Et Pharaon était militaire comme nous. Mon officier, un savant comme vous voyez, voulut donc bien se rendre à mon avis à condition que j'essaierais le premier de l'exécuter. Je descends le long du bord, je saute sous le berceau en me tenant aux branches d'en haut et, dites mon capitaine, je me sentirai par la jambe. Je me débats, je crie au secours, je reçois plusieurs coups de sabre. Et voilà tous les dragons qui étaient des diables qui se précipitent pêle-mêle sous les lianes. C'étaient les noirs du Morne Rouge qui s'étaient cachés là sans qu'on s'en doutât, probablement pour nous tomber sur le dos, comme un sac trop chargé le moment d'après. Cela n'aurait pas été un bon moment pour pêcher. On se battait, on jurait, on criait. Étant tout nus, ils étaient plus alertes que nous, mais nos coups portaient mieux que les leurs. Nous nagions d'un bras et nous battions de l'autre, comme cela se pratique toujours dans ce cas-là. Ceux qui ne savaient pas nager, dites mon capitaine, se suspendaient d'une main aux lianes et les noirs les tiraient par les pieds. Au milieu de la bagarre, je vis un grand nègre qui se défendait comme un Belzébuth contre 8 ou 10 de mes camarades. Je nageais là et je reconnus Pierrot, autrement dit Bug, mais cela ne doit se découvrir qu'après, n'est-ce pas, mon capitaine? Je reconnus Pierrot. Depuis la prise du fort, nous étions brouillés ensemble. Je le saisis à la gorge. Il allait se délivrer de moi d'un coup de poignard quand il me regarda et se rendit au lieu de me tuer. Ce qui fut très malheureux, mon capitaine, car il ne s'était pas rendu. Mais cela se saura plus tard. Sitôt que les nègres le virent pris, Ils sautèrent sur nous pour le délivrer, si bien que les milices allaient aussi entrer dans l'eau pour nous secourir, quand Pierrot, voyant sans doute que les nègres allaient tous être massacrés, dit quelques mots qui étaient un vrai grimoire, puisque cela les mit tous en fuite. Ils plongèrent et disparurent en un clin d'œil. Cette bataille sous l'eau aurait eu quelque chose d'agréable et m'aurait bien amusé, si je n'y avais pas perdu un doigt et mouillé 10 cartouches, et si, pauvre homme, mais cela était écrit, mon capitaine. » Et le sergent, après avoir respectueusement appuyé le revers de sa main gauche sur la grenade de son bonnet de police, l'éleva vers le ciel d'un air inspiré. D'Auvernet paraissait violemment agité. « Oui, dit-il. « Oui, tu as raison, mon vieux Thaddée. Cette nuit-là fut une nuit fatale. » Il serait tombé dans une de ces profondes rêveries qui lui étaient habituelles si l'assemblée ne l'eût vivement pressé de continuer. Il poursuivit.